아직도 난 길을 잃었어 어디로 갈지 몰라 Mai, une histoire écrite et lue par JCR0305. Drago adorait toucher Harry. Ses épaisses boucles sombres et désordonnées, mais douces comme la fourrure d'un chaton. Sa peau brûlante, chauffée par le soleil d'été, et les quelques cicatrices qu'il a parsemées ici et là. La rondeur ferme de ses hanches lorsqu'il s'enlaçait tendrement avant de s'endormir. Son torse qu'il caressait de bas en haut, et son dos tout aussi large. Sa nuque glissante de sueur, tandis qu'ils échangeaient un baiser passionné en faisant l'amour. Ses lèvres pulpeuses et humides durant le dit baiser. Sa langue qui dansait inlassablement contre la sienne. Ses joues qu'il agrippait avec ferveur, difficilement rosées, dues à sa carnation foncée. Mais si Draco devait choisir ce qu'il préférait sur le corps d'Harry, ce serait probablement ses mains. Grandes, calleuses et toujours chaudes, enveloppant son propre corps avec une facilité déconcertante, une fermeté qui le faisait sentir à la fois en sécurité et excité. Ses mains qui tenaient toujours les siennes, entrelaçant leurs doigts comme des amants inséparables, l'empêchant de s'éloigner ne serait-ce que d'un seul centimètre. Ces mêmes mains contre lesquelles il s'était disputé le vif d'or tant d'années, qu'il avait blessé lors de leur dispute qui avait tourné en bataille. Maintenant, elle le cajolait avec douceur, le vénérait dans la pénombre de la nuit. Et ses doigts aussi, qu'il effleurait à peine parfois, l'électrisant d'un si léger contact, qui se glissait en lui avec adresse et envie, rallumant encore et encore son désir. Et ce doigt en particulier, qui portait désormais une alliance en or, il ne pourrait jamais s'en lasser. D'un autre côté, Harry adorait tout autant toucher Drago. Ses longues mèches blondes, si pâles qu'elles ressemblaient presque à de la neige. Leur odeur si enivrante qu'il ne voulait jamais les lâcher. Et ses poignets, fins, d'allure fragile, qu'il devait s'efforcer de ne pas trop serrer dans sa poigne. Ses cuisses charnues et frissonnantes, qu'il enroulait toujours avec empressement autour de ses hanches. Ses chevilles qu'il taquinait des siennes sous la table au restaurant. Le creux de son dos s'arquant contre ses caresses, en une muette supplique. Il se considérait si chanceux d'avoir le droit de toucher un être aussi angélique et éthéré que Drago. Chaque millimètre de sa peau était comme le nectar d'une fleur rare que tout le monde recherchait, et lui pouvait s'y abreuver sans limite, jusqu'à étancher sa soif démesurée. Ils liaient toujours leurs mains ensemble, celles douces, fines et blanches, à celles larges, calleuses et dorées. Le yin et le yang, le soleil et la lune. Leurs alliances s'entrechoquant en un bref tintement métallique entre chaque ondulation de leur corps l'un contre l'autre. Ce qui était sûr, c'est que jamais ils ne pourraient s'enlacer.